都去了。 Ça saurait, dis-moi, tu me fais honte de quoi? Dis-lui faire des fois, tu pétais, ça c'est la morale à mon point, je m'en prendrai, connaît plus de monde que moi. Le futur est glacé comme une tombe, je veux les gels. Y'a qu'un pas du soleil, un muit sombre dans les jaunes. On va régler des cons, pom pom dans les gilets. Dans la rue, quand j'étais mon, c'est coup de pompe dans les chaînes. Roux-la! Colonise le territoire, ils disent mon nom, je les amende obligés, y'a l'OPG qui fait des roux-la! Conflit mexicaine, ballon couloir bolivienne, de mes croches américaines, canon court. Déguidé en fac, t'as mon vote, t'as le moyen âge, on est dit tous à l'arc, malon 4, pas de plaque, à mon pote, rap, back, pas mon pic, rap, pas, je donne à voir du son du crack à mon rap. J'ai Bezenko, j'arrive en sandal mental de Tchétchenko. Tu vas pas bouillir pour tes petits traves, si grave, j'ai du monde à remplacer, pis crabe à Tchétchenko. Comme une bouteille, je la vide, comme une arme, je la stick. Le calme de 10 balles, tu peux t'es sous l'élastique, bouge pas la ourti, ça va tirer pour ti. Je connais 2-3 mètres de la corde, qui mettent du plastique. Allez, rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, allez rentre dans le cercle, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, allez rentre dans le cercle, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, allez rentre dans le cercle, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas. Type nord-africain, fallait pas me laisser passer, j'ai la recette des ricains. Jette ou pas, l'œil y'en a assez de pépins. Gauche droit dans l'œil et la lumière s'éteint. Tu te prends pour Fifty, allez chante Minimen. Allez, poil dans la tête avec 9 mm. Les petits ont grandi, ils ont plus de sentiments. À la dadigno, gros sourire en tirant. Ça regarde du coin de l'œil, ça veut reprendre ton rinqué. Ça choisit ton cercle, mais tu m'as pas l'air inquiet. Pour la peuple, y'a pas de risque, tourne, paye plein pot. Y'a pas que les clubs qui tournent, y'a les fers au défaut. À la clean qui se ça va sortir un peu bon. M'a dit pèse les tous, arrête pas jusqu'au fond. Viens d'encaisser 10 années de salaire, sa mère. Encore la semaine dernière, moi j'étais en galère. Allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, allez rentre dans le cercle, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, allez rentre dans le cercle, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, allez rentre dans le cercle, viens pas, viens pas. Cocaïna, cocaïna, Pablo Gustavo Totorina. J'ai El Castrere, sorti d'une proche assassinat. J'mets la lutte à l'open finale. Pau, villa milliardaire en Gina. Pizza légendaire comme Zidane posté à la cité. Puis c'est pas une brigade. Celui qui approche, vais lui faire sa fête. Dans les genoux, pas tarder mal, les fêtes, ça fait. Je suis super monte sur une grosse affaire. La chance de jouer, moi, j'me mange que des rapettes. T'es super mignon, t'avances pas de fuite. Quand je te calipatis, ça c'est pour de vrai. C'est pas un clip, la jalousie. Dans les yeux, c'est pas d'argent, mais j'l'oublierai. T'as vendu de 3 kills. Tu prends pour ce parking. Bande de Herky, j'fais le tour de la France avec son ébarqué. Là la base, c'est basse, moi j'peux pêcher. Elle casse à basse la basse, il est 93. 9-3, bon. On sort avec des protèges, car Dieu les protège. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Viens pas, viens pas. Viens pas, viens pas. Allez, rentre dans le cercle. Viens pas, viens pas. Viens pas, viens pas. Allez, rentre dans le cercle. Viens pas, viens pas. Viens pas, viens pas. Allez, rentre dans le cercle. Viens pas, viens pas. Viens pas, viens pas. Allez, rentre dans le cercle. Mes enfants sont vecteurs. Direct à l'école, ils dorment ton secteur. Mon petit frère a foutu en cloque sa petite sœur. Je veux le protéger comme le prince Hector. Jamais à terre, moi, je remonte à bord. Oui, je remonte à bord. Moi qui ramène la drogue. À bord de la Rentador. Ma gueule, je fais la remontada. Rebeu masqué. Frappe de Moscou. Frappe de Bosniak. Dans la pastèque. Ces bâtards ne veulent pas que tu respires. Ils vont drapaler devant la mosquée. Regarde-moi bien. Avant que je t'étale. Violence verbale. Dans le revêt d'Herbel. Herbel. Néandertal. Bourré comme un capoverdé. Je fais crier la première. J'ai raté la prière. J'ai forcé le péage, j'ai forcé à payer. Mon reflet dans les nuages. J'attends les jours meilleurs. Je refais pas mon sable mais je m'en refais quand même. Le matin en KSA avec Y, grec. Les salopes pour continuer de manigancer. De toute façon les valeurs sont avec Y, N. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle.